déguisé, mon arme aiguisée sous le blouse. La rage depuis 12 piges, outrage, je suis agent. L'argent nous mène dans l'urgence, crime. La mer dans la tristesse, l'amertume dans la thèse. Dans la crainte du perquise, la traîtrise des plans constantes. Telle la mort mortuaire notre fer, la mort tente nous désarmer. Ça me descend comme sur une pente crevée en décembre. Je suis armé pour descendre à deux, je mets l'essence dans leur sentence. Trop de décès et défaites dans l'illicite. Ma ville plébiscite le mal, malsain, la mort. Invincible, pas de vaccin contre la mort. Nos cibles à câble, fait pleurer nos mères. On est les seuls responsables. Les larmes tombent, les frères n'ont pas confiance à la vie. Même dans les songes, la souffrance meurtrière les habite. Et quand le plonge, vient faire obstacle et ôter une vie. Aucune éponge pourra stopper les pleurs de ces filles. L'amour du pif nous mène à la mort. L'or, le pif fait couler le sang. Comme sentence, lançant crime dans le sang. Crème du crime, trime pour un bif. Frime dans la street, meurt subite, J sur la rive. Pour ton bif, tu peux mourir. Faudrait peut-être un jour se rebondir. La mort ou la prison, notre horizon. Critique liaison, nos broliques à l'armée. Morose, telle la réclusion. Criminel, décision, similaire. Vie, nerf à vif, les frères tombent comme des mouches dans nos villes. Les larmes tombent, les frères n'ont pas confiance à la vie. Même dans les songes, la souffrance. Comme ces femmes sont hantées par des démons. La mort et ses infâmes sont. Je ronge le bout des doigts quand leur fils plonge. Fiston, pose ton gun, reste calme ou prends de la distance. Le cœur, on s'en dispense. La rue, c'est le piston. Ma mère crie quand son fils tombe. Seul prose qui nous correspond. Restons dur malgré les coups, on est les bestes. On les baise et si je meurs, tourne pas la veste. Pose pas de questions. On nous enterre, on nous oublie pour elle. On est dans leur cœur, dans leur tête, y'a un vide. Sans son fils, ma mère a peur. Cupidon est criminel, des flèches à lacrymogèle, bombe.